100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Et c'est parti pour la Nocturne, minuit 10, coup d'envoi de cette Nocturne avec Unique, bienvenue. Merci à toi. Ça va, en pleine forme? Ouais, tranquille. Bon, je disais, on continue le Tour de France dans la Nocturne. On aime bien recevoir des gens qui sont pas forcément sur l'axe Paris-Marseille, hein, des gens qui sont de partout, parce que ça rappe de partout. Ouais, toi, en l'occurrence, tu viens de Troyes. Exact. Voilà. Bah, parle-nous un petit peu de ton parcours, Unique, puisque là, il y a un projet dans les bacs. Ouais, c'est ça. Et bah, écoute, pour pouvoir faire un petit historique, parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui me connaissent pas. Donc, moi, j'ai sorti un street album, Terroriste Intellectuel, en mai 2010. À l'époque, j'étais en coprod sur TMPP, la baisse d'Alibi, Montana. Ensuite, a suivi le EP Prémisse, le 1er avril 2013. Si je te dis pas de bêtises, je crois que t'avais joué des sons, en plus, hein. C'est bien ça, c'est bien cela, c'est bien ça. Pour l'instant, pas tout va bien. On dit pas trop de bêtises. Non, ça va. Et bah là, du coup, lundi, sortie du premier album, du premier vrai album d'Encre et de Sang. Donc ce lundi, hein. Exactement. On peut précommander aussi. On peut y aller. On peut cliquer déjà. Tu peux y aller sur iTunes, Google Play, etc., etc., etc. Les bonnes crèmeries, Fnac, Cultura, Espace. Bon, tu es venu avec une petite équipe. Ouais, il y a du monde. On va présenter un peu aussi les gens qui m'entourent, parce que on fait jamais les choses seul. Bah on les présentera dans quelques minutes. Peut-être que le mieux pour bien te connaître, c'est de balancer un premier morceau. Et bah, on va faire un petit comeback justement en arrière avec le morceau Mentalité de Guerrier, donc qui est extrait du street album Terroriste Intellectuel. Donc voilà. On y va, c'est toi qui prends le contrôle. Allez, vas-y. Allez, coup d'envoi de la Nocturne, vos messages 41759, balancez avec le hashtag Skyrock. Allez-y, vous bombardez de messages pour Unique. C'est parti, coup d'envoi de cette Nocturne, 100% rap français. Planète Rap. 100% rap français. Yeah. Mentalité de guerrier, comeback 2010, on y va. L'État voudrait nous faire courir comme dans un trek-paille et n'a pas compris la détresse lorsque nous cave. Blah, oublie la couleur et pense en terrien. Vois comment ils veulent nous réduire à l'état bactérien. L'avenir appartient à celui qui ne baisse pas les bras, à celui qui s'évade avec un simple drap. On se déplace avec la rage en binôme. On manie aussi l'autodérision comme Kino. Mon rap à court d'histoire pour personne. Un culte idolâtrant les grandes luttes auxquelles on voue un véritable culte. On a besoin d'espoir dans sa montée ténébreux. Beuh, liquidité patronale pour nourrir nos beuh. De plus de révolte et de colte. Livre d'histoire véridique depuis l'école. Voilà pourquoi mes couplets portent bien rouge comme Kevin. Le pain levé pour tous ceux que l'état force à vivre dans la marche. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent entre et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillier. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent entre et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillier. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. C'est un pour ceux qui se battent au quotidien. Du nord au sud du méridien, c'est que la haine se porte bien. Deux pour les victorieux, au regard de presse. À y regarder de près, tout conforte ma thèse. Trois pour les allergiques à la logique de leur système. Pour ceux qui n'attendent pas d'avoir leur paye au bout de six semaines. Pour ceux qui décuplent leur volonté au centuple. Sans thune, sans tête à l'usine au lieu de faire un centuple. Ma voix porte la noirceur de nos décors. Encore et encore, on cherche le raccord entre nos projets et nos corps. Dans la discorde, on est unis comme des corps. Nos pays sont à aucune doctrine et aucun code. Ainsi les messagers d'Alpha Tango nous ont pris pour cible. Laissez chacune de nos rimes qui passent au crible. Aimerait que l'on finisse en Escobar plutôt qu'en Turam. Pour ceux qui ont conscience que la vie est l'océan où tu rames. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent d'entraide et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillet. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent d'entraide et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillet. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent d'entraide et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillet. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent d'entraide et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillet. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. On prend le chemin de la vie en sens inverse, il reste indécis. Même si notre combat nous déverse, déverse et des mines d'encre sur des feuilles blanches. Écriture lampadaire avec la gouaille de Francis Blanche. Voilà ce qui fait de nous des guerriers. Agir avec sa matière grise plutôt qu'un barillet. Je répète, voilà ce qui fait de nous des guerriers. Agir avec sa matière grise plutôt qu'un barillet. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent d'entraide et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillet. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. C'est pour tous ceux qui ont la guerrière mentalité. Par les soupçons pas acquittés, refusent d'entraide et la pitié. Se servent de leur cerveau comme d'un barillet. Préservent leurs ambitions, leur morale entier. mon ralenti. Cette planète la nocturne. Inédit. L'œil du mal. Avec Bill Nott. Check, check, que le micro soit branché. Les cœurs reliés au cerveau, les soldats prêts dans les tranchées. Étanchés, leurs mensonges à l'échelle hexagonale. Je veux réaccrocher Marianne, la vérité sans péridural. Un péridural dans une époque pérave. C'est comme trois ans, la fin des sous-lieutenants du diable. Je traverse une époque où les rivières de la tolérance tarissent. Où les Français font l'histoire avec l'œil de verre de Jean-Marie. Où l'on attise la haine de l'autre comme leitmotiv. Je veux mettre la république à genoux et je mise sur ma lettre de motif. Pas de motif, une colloque, cachée de la rancune comme colloque. Un gros doigt dans leur vésicule, c'est mon côté ventriloque. On a menacé nos espoirs, les miens sont devenus bègues. Preuve que leurs élites sont comme une femme mûre, ils n'ont plus de règles. On prend nos âmes pour des paillassons, chaque jour on nous piétine. Les hommes peuvent mentir, rien ne trahit la rétine. On a l'œil du tigre pour voir clair dans leur plan. Car ici, pas rien n'échappe à l'œil du mal. Que les cœurs se couvrent en orage communautaire. J'ai qu'un cahier de rimes pour faire office de paratonnerre. On a l'œil du tigre pour voir clair dans leur plan. Car ici, pas rien n'échappe à l'œil du mal. Que les cœurs se couvrent en orage communautaire. J'ai qu'un cahier de rimes pour faire office de paratonnerre. Check, check, tu poses oreilles reste portée sur les idées et combats qu'on s'est fait tuer à colporter. Déporter notre pour exorciser le spleen qui m'habite. Le plus grand mal et porte souvent les plus beaux habits. On parie que peu sur notre destin depuis que sa côte est en berne. Depuis que la vie engraine les miens dans une vaste terre. Éternel perdant face à leur justice plus que biaisée. Rien ne va plus depuis que les balances croient pouvoir peser. On se baisse nos qualités, nos travers restent que les autres acclament. Les instants de joie sont rares comme une bonne vanne de Sofia Aram. L'œil du mal dans la télé qui relève du service public. De nos jours, les petites heures scutiques attrapent closer au public. C'est la politique de l'abrutissement du plus grand monde. Par leurs panneaux publicitaires, on en oublie que titube notre ombre. Des promesses, des paillettes, tu à l'écart, leur morale païenne. Petite sœur, la réussite, c'est pas être sous un bureau comme Mayenne. On a l'œil du tigre pour voir clair dans leur plan. Car ici, pas rien n'échappe à l'œil du mal. Que les cœurs se couvrent en orage communautaire. J'ai qu'un cahier de rime pour faire office de paratonnerre. On a l'œil du Yeah. 3 est dans la place. 10-15 Debussy pour Sainte-Marie. Le 10-6 est représenté aussi ce soir. Le 92 est là. Biote d'aujourd'hui, c'est mythos. Vulgate Baltringue. Internet crée des racailles virtuelles. KLB fini les duels dans une petite ruelle. Et ouais, on nous diffuse la merde en continu. Nos petits veulent plus de billes mais des billets et des salopes toutes nues. Les petits ont pour but d'être connus. Quitte à toucher des bits tant que la thune soit au menu. Quitte à ce que tout cela quitte. On en voit à longueur de journée ici et ailleurs que des femmes d'extérieur. Bonnes qui attendent leur postérieur. Elles veulent faire comme les stars sur leur poster. Ne savent plus. C'est triste de voir une jeunesse sans vos serres. On voit des émissions sur la misère avec des pubs Mercedes. Normal qu'on prenne des risques, on veut la nôtre, que la haisse nous délaisse. Le luxe est une déesse qui crée des clients soumis. Fini les valeurs, maintenant c'est only money can judge me. On a l'œil du tigre pour voir clair dans leur plan. Car ici, pas rien n'échappe à l'œil du mal. Que les cœurs se couvrent en orage communautaire. J'ai qu'un cahier de rimes pour faire office de paratonnerre. On a l'œil du tigre pour voir clair dans leur plan. Car ici, pas rien n'échappe à l'œil du mal. Que les cœurs se couvrent en orage communautaire. J'ai qu'un cahier de rimes pour faire office de paratonnerre. On a l'œil du tigre pour voir clair dans leur plan. Car ici, pas rien n'échappe à l'œil du mal. Que les cœurs se couvrent en orage communautaire. J'ai qu'un cahier de rimes pour faire office de paratonnerre. On a l'œil du tigre pour voir clair dans leur plan. Car ici, pas rien n'échappe à l'œil du mal. Que les cœurs se couvrent en orage communautaire. J'ai eh, 3, ça dit quoi ce soir? Yeah! Une spéciale pour Rosas, Catalunya, si! Montpellier est à l'écoute, yeah! 3 d'argent! Aïe aïe aïe! Une. Yeah! Son. D'ancré 200 dans les bacs! Depuis lundi! Tiens!

Donc, bah, présente-nous un petit peu qui est autour de toi déjà. Et bah écoute, je vais te dire un truc très simple. Je pense que les gens peuvent se présenter, c'est mieux. J'aime pas parler à la place des gens. Ok. Donc, on commence par qui alors? Eh bah, ben on va commencer par Cubain. Ah, cadeau pour moi direct. Exactement. Eh oui, à froid comme ça, direct. Ok, Cubain, bah la familia, toi-même, tu sais, même Concuni, qu'on a monté les bails ensemble, les premières équipes, avec quelques autres mecs qui sont là ce soir. Donc voilà, Cubain, Adjuma Kadam, 9-4, 1-0. Je laisse le poteau Gaël. Si c'est la famille, moi c'est Gaël, aka le M16 Lyrical, donc je viens du 9-2. Unique et Cubain, c'est la famille des MC3-1. On s'est connus, j'ai fait des tours à trois, des radios, des machins. Et donc voilà, je le suis, on a fait quelques feats. Et voilà, actuellement j'ai un album dans les bacs avec Fossoyeur. Et là, ce soir, je suis là pour soutenir le poteau Unique. Ici. Donc Red Son dans les bacs, allez l'acheter. Ouais, faut aller chercher ça la famille. Ah ouais. Bon, moi c'est Harry, j'ai 10-6, 3, on représente la familia. Là, on est venu soutenir le poteau, hein. On soutient à fond. C'est en fond. Juste derrière. DJ, moi c'est Nuka. Donc NLP Record, voilà, Lyrical Sensé, tout ça. Donc on est venu, voilà, la familia, c'est une longue histoire. Grande famille de trois, tu vois, c'est un petit peu nos racines à nous les jeunes. Et voilà, on n'oublie pas ce qu'on représentait depuis le début. Donc s'il faut soutenir, on vient soutenir. Puis voilà, pour le tonton Unique. Donc redescend dans les bacs, les gars, oubliez pas ça. Allez, alors, les pécho, surtout les Troyens, pour les pécho, les gars. À la FNAC, 11 balles, c'est pas dur à sortir. Allez les gars, faut y aller. Allez soutenir, tiens, c'est justement les Troyens à l'écoute. Envoyez, bombardez de messages 41759. Ouais, je pense que là, on a la moitié de la ville qui est à l'écoute. C'est vrai, tu crois? Ouais, on n'a pas intérêt à dire trop de conneries, je pense. Avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Yes. Et le projet, on rappelle que c'est dans les bacs, il s'appelle D'encre et de Sang. Il y aura un live aussi tout à l'heure. Ouais, on va donner ça, normal. Et qu'on repart avec un extrait justement de cet album. L'industrie de la peur, c'est exactement, ça? Exactement, ouais, exactement. Merci Fred, tu m'as de rien, oui, j'ai vu que tu as eu un petit moment d'absence. J'ai eu un petit moment d'absence. Laisser des choses à ce temps-là, c'est des choses. Ouais, et bah pour parler de ce morceau, on va laisser le morceau peut-être et on peut en discuter après, pas de soucis. La pure et sale, j'ai vu que l'impartialité est ta journée. D'ici, je trouverai la lumière que sous un abat journée. Un jour de révolte, étudiant dans Birmanie. Méfiant par habitude des hommes en Costa Armani. Une seule parole pour calomnier nos efforts. Et nos SOS restent vains même en les avoyant au effort. On aura beau dédouaner et le prouver par A plus B. A plus et je pars loin de leur jugement impulsé. Qui croit encore à la liberté des médias? N'a rien compris comme un chômeur un 1er mai devant Adia. La presse est sous l'influence de grands groupes médiatiques. Le même grand partisan de certains groupes politiques. Polymorphe du dialogue pour satisfaire l'homologue. J'ai vite compris que mes intentions ne seraient pas l'objet d'une homologue. Parce que cherche la vérité dans les couleurs d'un casse-tête. Des cœurs absolution et dans l'absolu obsolète. C'est les rois gérant tout le de la vie industrie. Rien n'est laissé au hasard pour endoctriner les esprits. On a retrouvé la vérité dans un linceul. Car on décrypte pas leurs faits avec le même œil. C'est les rois gérant tout le de la vie industrie. Rien n'est laissé au hasard pour endoctriner les esprits. On a retrouvé la vérité dans un linceul. Car on décrypte pas leurs faits avec le même œil. Horrifier la masse pour en contrôler ses idées. Mais un surplus de falsification ne mènera qu'à une idée. On dit liberta sur ma tenue posthume. Et méfiez-vous du diable qui a l'ange pour costume. La vérité est rarement en avance aux 20 heures. Ma seule certitude dans ce monde est d'être à mes obsèques et à l'heure. Plus je vois le genre humain, plus j'apprécie mon chien. Parce que leurs manches sont aussi longues que les sourcils d'Emmanuel Charles. Un abusement accordé, on aura beau l'orner. Nous ne restons des inconscients sous la coupe de Bolloré. On ne fait pas partie de cette casse qui court le bol doré. Non plus de ces nantis qui dégustent avec un bol doré. Ne cherche pas la paix ou la tolérance est en pupille. Et on court derrière le crispy comme un chien avec son frisbee. Et si nos vies sont régulées comme une pièce de théâtre, c'est que certains hommes comme de Rothschild sont les promoteurs du spectre. C'est les rois gérant tourner de la fire industrie. Rien n'est laissé au hasard pour endoctriner les esprits. On a retrouvé la vérité dans un linceul. Car on décrypte pas leurs faits avec le même œil. C'est les rois gérant tourner de la fire industrie. Rien n'est laissé au hasard pour endoctriner les esprits. On a retrouvé la vérité dans un linceul. Car on décrypte pas leurs faits avec le même œil. Ton destin reste fragile vu qu'on marche sur tes œufs. Les plus instruits restent ceux qui plus souvent se taisent. Certains de ma thèse qui induit que l'altesse remplace les corps vaillants par une balle. Et Cubain, Radio Macadam 2. Projet gratuit à choper. C'est le fond et le flow. Le talent de l'envie pour faire jumper les mots. Du thème de l'ego pour faire kiffer mes bros. 23 au micro, gros t'es mal à des mots. Ouais, on avance, on se dépasse. Fais mal comme ça, t'es dans la surface. Et pour faire face à tous ces coups de grâce, j'ai préparé mon coup de grâce. Ah, laissez parler ma gueule, j'ai plus le temps. Non, pour m'occuper de tous ces confrères, j'ai plus de 100 ans. Pour passer en radio, que je sens moins sanglant. Ils veulent beaucoup moins de sens et des sons plus dansants. La musique est dans le sang et c'est pour ça que je suis dans le son. Mon vécu branlant à ses revendications. Pour les élections et la nationale éducation. Passons à l'action, prenons les patrons de la nation. Radio Macadam 2, t'es mal équipe. 22 fils pour une tête magnifique. Bah, ce que tu veux, tu saliras pas l'éthique. Trop d'un rap pathétique, cherche à mon paquet de fric. Jamais ne revendique, loin d'être authentique. Dicte ton rap est anorexique. Tiens une boîte pour les frites, enrichis ton lexique. V'là du hip-hop complet à toutes les sauces. Mon poitier, pas de compète, on est tous des sauces. Pas de couplet à l'eau de rose, on est tous en osmose. Souvent, même sais pas comment, c'est qu'on est dans le cosmos. Donc, je ralentis pour que tu comprennes mieux. Bientôt la sortie de Radio Macadam 2. Quand j'ai la famille à ma gueule. Aïe. 100% rap français. Planète rap. La nocturne. Yeah. Nemesis avec Dixon. Yeah. C'est de la musique, c'est la défense. Pour des mots que l'on pense. Notre unique, c'est le recours pour laver l'offense. C'est ce qu'on est, la borne plan. Loin des flashs et des badauds. T'auras le mal de mer que si tu nous mènes en bateau. Et ton dard, guerriero. On rappe en live de grosses billes. Notre discours aspire à être plus élève, clave en moins ouf. On lâche des coupes et des couperets. Qui découpe les couraines. Pas de courbes et des courées. C'est du rap de combat. Yeah. S'il n'a plus de fond, alors il rappe tout ça blanc. Cette musique, c'est électroïste. Tombé dans un David qui est à part. Rappelez les arts de nos zones, vous frappez. Pas rajeunir de 6 ans. Cette musique est tellement lèche qu'on trouve les disques à tout à titre. Depuis que l'argent c'est que prophète avec le fond et des biteurs. Bénis soit les murs qu'on dessoreille pas comme certains auditeurs. Dans ce milieu, on est à l'aise autant qu'un Irakien hostile. T'auras moins de chance de voir un MC vrai que Marine Le Pen mousseline. À la chaîne de leur appel en directif, nous sommes indigènes. On est alors plus hard que les têtes prêts et des assises. J'garde le film et pas les pantins. Sac de fric pour musique pourrie sans fin. J'pars de trip sur feuille, j'pars de rien. À la chaîne de leur appel en directif, nous sommes indigènes. On est alors plus hard que les têtes prêts et des assises. J'garde le film et pas les pantins. Et dans la maison, cache Léon aussi. Si je rappe, est-ce que je me plante ou est-ce que je vends du mental en boîte? Est-ce que mes parents me voient? Est-ce que les SDF envient Batman quand ils passent de toi en toi? Portons de racisme à l'envers, genre ça existe le racisme à l'endroit. Devrais-je écrire ou vendre mes idéaux? Diable, car les vidéos de rap buzz moins que les vidéos de chat. Sonné, ces pantins au feu rouge trouveraient la vérité s'ils cherchaient aussi bien qu'ils fouillent dans leur trou de nez. Un taré de moins, un taré de plus. En France, quand tu marques l'histoire, on donne ton nom aux arrêts plus. On ne m'arrête plus, même si tu me vois tout petit. La révolution, c'est comme Jeanne d'Arc. Elle meurt, mais c'est un pas tout de suite. Je fais ma ronde de nuit, j'essaie de colder. J'ai d'autres priorités que c'est qu'être la mode qui voit la victoire dans un col V. Tout faire pour que ma vie soit fiable, soit durable. Tout faire pour pas devenir le Yamcha du rap. Indigène de leur rapé, leur directive, nous sommes indigènes. On est alors plus hard que les têtes prêts et des assises. J'garde le film, mais pas c'est les pantins. Sac de fric pour musique pourrie sans fin. J'pars de trip sur feuille, j'pars de rien. Indigène de leur rap, j'aime leur directive, nous sommes indigènes. On est alors plus hard que les têtes prêts et des assises. J'garde le film, mais pas c'est les pantins. Sac de fric pour musique pourrie sans fin. J'pars de trip sur feuille, j'pars de rien. La musique de vie, loin de leur affabulation. Eux, leur rap n'est plus bon, bah c'est la date de consommation. Allez leur dire que dans l'au-delà, on n'emporte ni bijoux ni villa. Vendeur de rêve, mais tout défaut comme le corps entier de Nabila. Fournisseur de prothèses auditives. J'fais péter le standard des call centers d'aide aux victimes. J'ai une boîte à musique et de très très gros missiles. J'me pavane, j'mets pas ma rôtie dans un t-shirt Hello Kitty. À la base, j'ai choisi le rap parce que c'était pas un créneau physique. J'parle de tout, j'emmerde tout le monde pour créer de très gros litiges. Merde, serais-je trop limite? Les maisons de queue me lâchent pas de thunes parce que je suis pas un vrai productif. Plan sur plan, pourtant on a le syndrome du blackout. Par gars des inhibites, l'industrie a fait son blackout. On a le recul de ce qu'anticipe. Faut y en venir leur esprit. Si des carrières prennent nos c'est que les machins ne sont pas Waterproof. Indigènes de leur appel, leur directive, nous sommes indigènes. On est alors plus hard que les têtes prêts et des assises. J'garde le film et pas c'est les pantins. Sac de fric pour musique pourrie sans fin. J'pars de trip sur feuille, j'pars de rien. Indigènes de leur appel, leur directive, nous sommes indigènes. On est alors plus hard que les têtes prêts et des assises. J'garde le film et pas c'est les pantins. Sac de fric pour musique pourrie sans fin. J'pars de trip sur feuille, j'pars de rien. Indigènes de leur appel, leur directive, nous sommes indigènes. On est alors plus hard que de fric pour musique pourrie sans fin. J'pars de trip sur feuille, j'pars de rien. Indigène de leur rap game, leur directive nous sont indigènes. On est tellement théâtre que les sept plaies étaient assises. J'garde le film et pas celui de pantin. Sac de fric pour musique pourrie sans fin. J'pars de trip sur feuille, j'pars de rien. Yeah, depuis lundi dans les bacs, Fnac, Cultura, Espace Culturel Leclerc, iTunes, Google Play, allez choper, tiens. C'est la nocturne et c'est unique au contrôle. L'album d'Ancrée de Son est dans les bacs depuis lundi. On écoutait un extrait à l'instant Nemesis avec Dixon. Ouais, ouais. Il y a aussi l'industrie de la peur. Tu voulais ajouter quelque chose sur ce morceau ou pas? Parce qu'on l'a passé. Ouais, on l'a passé. Bah après, c'était juste pour en parler vite fait. Juste que c'est un morceau, voilà, qui fait un peu l'état des lieux de tu vois, de, comment dirais-je, des mécanismes que mettent en place les médias pour, tu vois, influencer l'opinion, des choses comme ça. Parce que pour les gens qui l'auraient peut-être pas encore bien saisi, moi, on va dire que je suis catalogué dans un rap conscient, engagé, donc voilà, on pourra pas tout passer ce soir, mais j'incite les gens à tendre l'oreille parce que voilà, on a approfondi beaucoup de thèmes dans ce morceau, donc voilà, tout simplement. Et l'album est sorti, il s'appelle D'Ancrée de Sang. On va repartir pour une nouvelle session. Yes. Après, on attaquera live aussi, un gros live de prévu. Yes. Avec tes invités. Yes, pas de souci. Unique au contrôle de la nocturne, les messages au 41-759. On part avec un morceau qui s'appelle Ici par deux. Ouais, donc ça, il y a eu une ici par Toine. Exactement. Forcément. Exactement. Eh ben écoute, ouais, on va dire que c'est un hymne à notre ville, quoi, tout simplement, tu vois. Mm-hmm. Donc, pareil, on va le laisser tourner, puis on peut en discuter après. Toi, tu viens donc de Troyes, hein. Exactement. Ouais. De quel endroit dans Troyes exactement? Moi, je suis de Kléber, quartier Bois. Kléber? Exactement. Bon, et l'ambiance, par exemple, le vendredi soir à Kléber, ça dit quoi, la c'est mort. Troyes, c'est mort, frère, c'est mort. C'est que ça soit dans n'importe quel secteur. C'est une fantôme. Ah, c'est Harry qui vient de parler, il l'a dit. Aster-ci, voilà, c'est mort, mais bon, ça n'empêche pas qu'on représente quand même. Voilà. Bon, il y a quand même des salles, on vous accueille, il y a quand même possibilité de. Ouais, c'est un peu compliqué, tu vois, on va pas se mentir, je pense que t'aurais d'autres MC de la ville qui pourraient venir en parler, c'est quand même assez compliqué de pouvoir jouer. On a récemment fait les frais d'une petite mésaventure, mais c'est pas grave, je l'annonce ce soir, mais on va rejouer, parce qu'on devait jouer demain, en fait, il y a une galère et tout, donc. On va refaire une date très prochainement, justement pour fêter cette sortie d'album, tout simplement avec les gens, pour partager ça, quoi. Donc, t'as des dates d'ailleurs en tournée? Non, pour le moment, j'ai rien du tout. Ça va se mettre en place petit à petit, je pense. Donc, alors, pour te contacter, comment on fait? S'il y en a qui nous écoutent, qui veulent te contacter? T'as le Twitter Unique officiel, t'as le Facebook Unique le Catalan, tout attaché. Donc, Unique voilà. Unique le Catalan. Unique, exactement. C'est UN2EK. Exactement. Voilà, pour retrouver toutes les infos sur Unique. Exact. Et on écoute donc l'hymne à trois. Partout. Exactement, c'est ça. C'est parti? C'est parti, on envoie. Yeah, celle-là c'est pour nous. Yeah, yeah. Trois à l'écoute. Yeah. Ici, deuxième épisode. Yeah, yeah, yeah. Loin des traces et des baguettes, on avance du mieux qu'on peut. Pour tous les débrouillards, pour toutes les débrouillardes. Ici tout est sombre comme la pénombre. On peine ensemble vu que la force émane du nom. Nos visages traduisent le malaise social qui nous habite. On a pris des douleurs immenses sur lesquelles la paix grave. Habitué au coup du sort, on sort des laissés. C'est pour compte aux factures d'aide de jeu. Et sous marque de Bourbon si on saigne. Sois sûr que c'est en silence. On file un mauvais coton mais c'est vrai qu'on est les silences. Deuxième séance pour ceux qui ont loupé l'entrée en scène. Ici, nos esprits sont plus pollués que la scène. Les usines en perdition viennent nous rappeler les fleurons d'antan. Aussi que le passé n'est glorieux que si le futur est tentant. Entends l'effroyable silence des chaînes de montage. Des montagnes de rouille qui surplombent le paysage. Ce visage transformé le bonheur est en dépostillant. On use nos foies et nos budgets en enrichissant Dylan. Cette issue ici, que l'espoir s'est fait des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que c'est qui nous attend. Cette issue ici, que l'espoir s'est fait des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que c'est qui nous attend. Ici, on survit en cumulant les. les emplois précaires. On vit dans l'urgence avec le coup près de l'interdit bancaire. Le visage de la chance nous est moins familier. Celui de l'huissier. Ça fait un bail que notre crédit bonheur est épuisé. On puise dans nos ressources pour soutenir le moral. Tellement de suicidés au travail qu'on y érigera un mémorial. Avec la paix, on n'est pas au stade de la conciliation. Ma ville, c'est une nature morte qui mettrait un psy en dépression. Ici, le mauvais sort fout totalement de la couleur. On attend encore que Camille vienne prendre notre douleur. Les plus chanceux. Yeah, Twister, dédicace, CRS, c'est l'eau. Ma ville est belle. Prysem, Sona. Les putains météo de 4 la bande. On vit les rares moments de répit comme une grâce inespérée. On est ceux qui font leur nid là où la machine est terrée. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que c'est qui nous attend. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que c'est qui nous attend. Qui nous attend. Qui nous attend. Qui nous attend. Qui nous attend. Qui nous attend. La leçon, on a pour voir leur professeur. Le tableau est trop noir pour qu'un peintre y mette de la couleur. À fouleur, qu'on est souriant comme un truc qui fait l'aumône. Pour certains, les moments de joie sont dans les matchs au stade de l'aube. À l'esprit de nature, on réfléchit vite pour un mouchma. Ici, soit tu résumes, soit tu poses la gomme chez Michelin. On s'en met au jeu en quête, on porte une hypothétique. Sujet au crédit, nos avenirs se retrouvent hypothéqués. On avance, ils se pendaient sur leur parcours itinérant. Ici, le maître est plus suspect que passé Frédéric Mourant. Ici, on oublie de vivre lorsque la machine se sévit. Pourtant, on n'est pas Mario, on n'aura pas le droit à cette vie. Comme partout, on nous voit comme des carburants pour la machine. Sans prendre conscience qu'on passe le temps à couper les chiffres. Ici, la solidarité répond aux abonnés absents. En matière d'emploi, j'assure que trois c'était mieux avant. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que celle qui nous attend. Cette issue ici, que l'espoir s'éveille des trophées. Qu'on cherche la route de la chance sans savoir vraiment où c'est. Cette issue ici, qu'on vit sans en prendre le temps. Habitué au rendez-vous raté, y'a que celle qui nous attend. Yeah! Onuka 100% rap français planète rare. La nocturne. C'est le remix. Remix. Avec une brochette d'MC Loco. Tiens. Pas de ceux qui kiffent du rap locaux. C'est parti. Tu connais. De force de gré. Remix, j'arrive en équipe qui compte leur loi et pensée archaïque. Cauchemar des élites, insurgés et mérite. Ouvre la porte, les belligérants rentrent en visite. De force de gré, remix, j'arrive en équipe qui compte leur loi et pensée archaïque. C'est avec mes Troyens ça, dédicace. Tiens. The end is the class, Skyrock. Agissent avec démagogie, mais laissez crever les gens, c'est loin d'être dans ma logique. Donc leur plan, Cuba! Jure! Pas de nous suivre, tu vas finir épileptique. QBAIL. Son éthique, sont trop pathétiques, c'est pour qu'on crée des lois juste pour nous soutirer un paquet de tics. Vendre les produits des lobbies qui gouvernent le pays. Révolte en nous, France, enfile ton treillis. Lève ton poing en l'air, Inouï! Jure! On leur fait accord à la champenoise, trop documenté pour entrer dans vos débats. Hey. Tu écoutes Kerry James, moi je préfère Jamie Seba. Vision d'extrémisme, mes mots te feraient pâlir. Je te donnerai quelques gifs, suivi de quelques trucs à lire. Sincèrement, je ne crois pas qu'ils ressentent nos coups. Je ressemble beaucoup plus à Piccolo qu'à Sangoku. T'es baïonné si ton discours n'est pas celui. J'ai la vibe. Ils voudraient nous faire croire que le col blanc n'est pas celui qui vole. Aucune vérité n'est acceptée au-delà du net. Mais t'y vois rien, carafe le loup, trafic tes lunettes. On nous bourre le mood, islam de Mera de Chine. On occupe des vrais problèmes qui font plus mal qu'une fusillade. La télé, une fenêtre sur le monde, une fenêtre sur mes couilles, ouais. Celui d'un nez sur la France, à prendre comme un coup de fou, ouais. Alors c'est fort, soudré. Bilna, Disquin, Enceinte Marie. Aïe, aïe, aïe. Dans le sang, tu l'entends dans le son et nous c'est ballot. Bilna, toujours. toujours dans les putains de freestyle. Et ouais, le taf est fait pour ce soir, Troy est réveillé, la famille. Je reste le même, d'autres ça dort. On est là. C'est moche, comme une poucave qui trahit ses frères et suce le de force ou de gré remix. J'arrive en équipe qui compte leur loi et pensée archaïque. Cauchemar des élites, insurgé et mérite. Ouvre la porte, les belligérants rentrent de visite. De force ou de gré remix. Comme un chou dans le money time. On se doit d'être à droit. On a rien de polygame même si on fait du rap à trois. J'irai pas loin si t'obéis aux ordres. Les yeux bandés, tu la révolution et leader reviendra te hanter. Caché, qu'on est en caché, qu'on rappe en caché. De trajet et synonyme de plaie et de rejet. Je croirais en ma liberté quand je l'aurais en visu. Tête sur les bancs de la révolte. Que je suis un élève assidu. De force, yeah, Tahirik. J'irai le hip hop. Qu'à 50 piges, frôle ton crâne, gigote toujours comme un coq. Big up, T.A.I. Playa, je me connais. Flo trop d'art, faut une major Qatari pour me signer. T'inquiète, on va pas saigner. Juste quelques mesures. Mon son pour tes oreilles, c'est comme la coke dans ton zen, c'est pur. Y'a pas d'air pur, car ce game sans les ordures. Mais je t'assure qu'à l'usure, mes galettes seront de l'or pur. Choisis ton corps. Salut Festi, Universal Soldier. Partout, je serai moins surpris de ce qui arrive. Qui annonce le tarif, nos vies ne valent pas grand chose. À leurs yeux, je vais en apprendre avec une paire de gants roses. Fuck leur théorie, les complots, la pratique est bien active. La bêtise est maladive et ton égoïsme trop gros. T'es trop bon au contrôle sans te rendre compte. Ensuite récolte et font les comptes ronds. Dévisagés Ims, Blédias, dédicace qui touche prod. Avant scooter à Toulouse. Nos vies c'est pas vos têtes, non c'est pas tout rose. Pas d'amalgame, nos mères sont pas toutes grosses. Entre nous il est top, on peut pas dire que tout roule. Les hauts placés veulent le beurre et l'argent du bougnoul. Taf à la school, petit faut qu'on prenne leur place. Qu'on rêve aussi d'être président, attendre devant la glace. De force ou de gré remix, j'arrive en équipe. Qui compte en moi et pensée archaïque. Cauchemar des élites, insurgés et mérite. Ouvre la porte, les belligérants rentrent de visite. De force ou de gré remix, j'arrive en équipe. Qui compte leur loi et pensée archaïque. Cauchemar des élites, insurgés et mérite. Ouvre la porte, les belligérants rentrent de visite. Puisque l'union fait la force, on s'organise. Yeah, pas. Puisqu'on a rien dans les poches, on puisqu'on a dans les tripes. On rame à contre-courant, venu noyer dans nos dettes. On vit la crise, imagine ce qui peut se passer dans nos têtes. Des clichés sur les ondes, une jeunesse en décalage. Les chaînes télévisées génèrent une autre forme d'esclavage. Faudrait qu'on prenne le large, ou bien qu'on prenne les armes. Car à trop suivre la carotte, il se peut qu'on vienne des âmes. Faut pas l'avenir dans les médias, y'a quoi à faire dans les médias. Faut faire des courses censurées comme celui d'âme à dîner Jad. Immigration, sélection, militant, insurrection. Nuka Station Israël, ségrégation, maintenant. Je vais provoquer des crispations. Prenons le Mali en exemple. Des foutues guerres d'exploitation. Ça bouge. Même l'Europe accuse le coup. On hommage à Stéphane Essex. Je serai indigné jusqu'au bout. Des débuts. Harry. Je vais même dans le cul. Je suis simulé. Justice. Des pontins sur nos terres. C'est cramé. Il sort. Milas. Casse-dette. Ne sert à rien. Comme cette même voilée qui dans le fond est une putain. On a le. Dans nos têtes c'est le feu. On joue le jeu. Mais y'a qu'un seul juge. Il y a trop de pression. C'est dit. Pour nous diviser, il faut des factions. NLP. On a la révolution dans l'addiction. Fiston, c'est pas une fiction. Puisqu'on subit la malédiction. Degré ou de force, il faut qu'on passe à l'action. Avant la saturation, sans exagération. Attention, y'a qu'à voir le taux d'abstention. Dédicace à toutes les équipes. La France aime la mettre à abstention. À tous les MC de la ville. Tiens. Force ou degré remix. On équipe qui compte en moi. Et bon, c'est archaïque. Cauchemar des élites. Insurgé et mérite. Remix, j'arrive en équipe qui compte leur loi et pensée archaïque. Cauchemar des élites et mérite. Ouvre la porte, les belligérants rentrent de visite. Remix, j'arrive en équipe qui compte leur loi et pensée archaïque. Cauchemar des élites, insurgés et mérite. Ouvre la porte, les belligérants rentrent de visite. Yeah. Yeah. Les MC de 3, c'est pour tout le monde. D'ancré 200. D'ancré 200. 9, 4, il faut aller 10, chercher la famille. 1. Ah. Y'a rien, y'a foy. Plus éclairé que Planète Rap. Yeah. spéciale dédicace à tous mes Catalans. Celle-là, c'est pour nous aussi. Rosas, Rosas. Et dans la vie, il y a deux choses à ne pas négliger. Les siens et son histoire. Perpignan, on dit quoi ? La première, c'est la base et la force d'un homme. La deuxième permet de ne pas faire fausse route. Un célèbre proverbe dit, si tu ne sais plus où tu vas, regarde d'où tu viens. Alors, aux déracinés ignares et à ceux qui réfutent leurs origines, il y a peu de choses qui fassent les marques de pas. De vieilles rancœurs nourrissent mon mal-être identitaire. Tiens de quoi assurer des certitudes sédentaires. Je français catalan ou ce catalan français. Lorsque les sourcils de Marianne envers moi sont français. De quoi exprimer faisant mieux connaître mon code génétique. Qui me renverront aux premières fois d'immigration qui périt. De quoi comprendre ce mal-être à chaque séparation. Synonyme de l'effet d'une femme à qui on arrache en nourrisson. Traduction de joie nostalgique comme de période des plus sombres. Même la vie peut être pénible à 40 degrés à Londres. Enfant de tes drames et descendant des pépites. Quel serait ton visage si la chance était mécréante. Les douleurs du passé n'ont aucun caractère factice. Rien ne prouve que l'histoire n'a pas de fer rétroactif. J'ai le cœur endolori avec ses kilomètres en trop. De quoi comprendre que mon fils porte le prénom d'un Muchacho. Rosas, Rosas. N'oublie pas qu'ils sont tes enfants. Rosas, Rosas. N'oublie pas. Ne te connais que pour ton attrait touristique. Moi je t'ai connu sans le sou, en tant que dictature franquiste, Je t'apprécie qu'au premier rayon du ultraviolet. Moi je t'ai connu impuissante après que le fascisme t'ait violé. Qui me parle de poissons sous taxé ou de mes enfants. Je te parlerai de récession et d'économie sous mes noms. Connaissent-ils ces âmes damnées par des années tyrannies. Notre histoire est abstraite comme une toile de Dali. On aura presque tout de la dramaturge ou de son folk. Moi je ne vois que notre histoire quand eux n'y voient que notre folklore. Je t'ai vu renier ton passé pour t'offrir en masse de touristes. De voir filer à tes enfants le syndrome de la tourista. Ne va pas dans mes paroles un procès d'intention. Mais combien peuvent prétendre te connaître comme nous en prétention. On aurait dû être roi naturel et sans couronne. Rien n'a plus été pareil lorsqu'on a vendu le trône. Rosas, Rosas. N'oublie pas qu'ils sont tes enfants. Rosas, Rosas. N'oublie pas. Issu d'une famille qui a le drame comme compagnon de route. Dans le casino de la vie, on est habitué à faire pas combat. L'époque me semble à la fois si lointaine et si proche. Notre histoire est trop lourde pour être noyée, alors elle ricoche. Je rappelle, tu t'es foutu sur tes routes de terre battue. Abattu du vécu, on s'évadait avec le PQ. Des poursuites du Mastuska au festin de Palin. Autant d'anecdotes authentiques qui donnaient lieu à divers palins. On achètera la vision de tes panoramas nocturnes. Elle était idyllique, les bêtes qui appellent nous des jeunes noctambules. Aucune femme ne pourra conserver nos mémoires. On ne regrette rien des moments de joie, on en déboire. On respecte ton changement sans forcément le comprendre. Notre amour est intact pour cette mérite, on le goût du complain. On aura que nous souvenirs quand nos vies seront au terminal. Car c'est ici que tout a commencé et tout se terminera. Se terminera, se terminera, se terminera, se terminera, se terminera, se terminera, se terminera, se terminera. Dédicace, famille Candy, Antoine, Mamat, Montpellier, aïe Montpellier, Perpignan, Rosas, Jadjo, 9-2, UN2EK, d'encre de sang, dans les bacs, yeah, 1. We'll be right back. C'est la Nocturne 100% rap français avec Unique qui est son album d'encre de sang qui est dans les bacs. Exact. Avec un morceau qui s'appelle Rosas à l'instant. Exactement. Ouais. Bon, on a pu découvrir quand même pas mal de morceaux. Ouais. Maintenant, vous allez pouvoir aller acheter et récupérer l'album d'Unique si ça vous a plu. Exact. Dites-nous d'ailleurs en balançant des messages 41759. Et là, une autre épreuve de cette Nocturne. Maintenant, ça va être le live. Yes. On va partir aller pour un bon quart d'heure de live facile. Ouais, ouais, tranquille. On va y aller doucement. Moi, je vais laisser aussi un peu la parole aux gens qui se sont déplacés parce que il y a des gens qui sont venus de loin aussi. Donc, voilà. Je vais ouvrir ça et je vais ouvrir le bal et chacun va y aller de son feu d'artifice. D'encre de sang, c'est dans les bacs. Unique au contrôle de la Nocturne et ses invités maintenant. Voici l'heure de la session live. Le DJ est prêt, tout le monde? Edke, ça dit quoi? Edke, ça y est, il se lève. Allez. C'est parti, coup d'envoi. Ok, montre-nous ce que tu sais faire un peu. Oh. DJ Edk. Aïe. Ça vient de 3. Ok. 1-0. Tiens. Hey. Je suis venu étouffer leurs idées, elles auront peu de chance en réa. La France à mauvaise mémoire comme l'ex-patron de l'Oréal. L'État nous tire par le maillot, impossible de nous démarquer. J'ai musclé mon rap, but mon coach, j'étais mes jacquets. Jacquets, c'est ce qu'il reste à ceux qui n'ont plus d'amour propre. En temps de crise, les cœurs sont vides comme le fond de nos poches. Et pas que sombre prophétie, on se métique des oiseaux de malheur. Car qu'un horloger qui peut nous remettre les pendules à l'heure. Le contexte est complexe, on se complète plutôt qu'on conteste. Chaque instant est une épreuve parce que cette ville reste qu'un test. On vit en appui dans les arrêts d'une sombre existence. Qui voit les j'ai tiré ma révérence dès que j'arrête la tête de leur cliché. Je connais le visage du bon, on l'a toujours vu postiché. Depuis qu'on vit en inertie, je suis un carton jaune, mon rap s'adresse qu'à des avertis. Ok, j'ai B-O-C-D-R. Ça fait NLP record, nous cas. Pour commencer, je reste calme. Je suis pas là pour faire une tuerie. Mais je sais qu'il faut l'amour du risque quand t'as pas l'amour du rire. Refusé par la rancune, sachant que le pire arrive. Moi, je suis en bas, mon pire ennemi n'a pas l'aspect d'une pyramide. Débrouillard et fier comme un animal blessé. Abandonné malgré moi, le lion sauf fut mal dressé. Agressé, la parole, je ne peux vous l'adresser. J'ai des paroles adressées, rien à foutre de me sentir apprécié. Chalter, tire à nulle part si tu t'en dois. T'attends les mailles sans payer. Tu pourras rentrer en boîte. On vit dans nos principes en bois. Faire à des barricades en plâtre. Des litrons de fait qu'on boire, ça fait 6 ans que j'ai rangé l'eau plate. Dans mon monde, mais nous on pleure des chats, même les bandits pleurent des fois. Les couches charmeurs de froid ou d'effroi. Ouais, tes principes on les froisse, l'animosité se palpe. Souvent les verres cassent, donc amigo surveille tes phrases. Unique. Pour tous les frérots de la ville. Yo, 1, V-I-N. On arrive, on perd plus de temps. On arrive, on perd plus de temps, lyrics perturbants. Tout ma cadam avance pendant que les rageux perdent du sang. Kiff c'est de faire du son, pas de le faire doucement. On est venu remettre droit dans le mouvement. François Barman dans le tout, non, car on a perdu autour, mais tout au fin de centre-ville tous les deux ans. Impressionne qui tu veux, nous on sait que terrible la descente. Ça dérive, ça sent l'essence, on attaque passer de la défense. 1-0, photo retient ce numéro. On débite même s'il y a plus de réseau, que les comptes sont gelés comme Sub-Zero. Rien subsidiaire, mais tu nous verras pas vendre des La qualité dans nos produits, pas d'arnaque à la Spanghero. Le mic et le mot, là je suis dans mon élément. Inflater ton ego et encore moins le gouvernement. Je suis croyant, mais je reste en mouvement. Yo, donc je casse des yeux aussi, c'est pour Argenteuil et Fils du Oui. Edke, envoie-moi une autre instru, Edke. DJ Edke. Ok. Vas-y, cousin. Yeah. 2-1-0, KR. Qui est pas ça, c'est le catalan qui revient pour faire tomber le masque des hasards. Y'a pas de hasard, si nos cœurs sont froids comme le bizarre. Vicin, l'amertume sera du même sur nos visages. Ils veulent nous envoyer rejoindre Neda. Imprime ça, que je me taille pour changer de vida. Y'a pas de hasard, tout est calculé. On est acculé, pour ça qu'on recule. Et on paiera tous un jour le fruit de nos méfaits. Qui peut se vanter de n'en avoir jamais un jour fait les frais. Le seul amour que j'ai est pour mes frères. Vu qu'une femme a tué mes espoirs d'une balle dans la tête. Le pardon s'obtient pas dans l'amour monétaire. On n'achètera pas nos derniers jugements à coups de billets verts. Y'a pas de hasard, comme un jeté à Gaza. On se tue et s'auto-dirige vers les chambres à Gaza. Dès le départ, fallait que j'y chante à son style. Mon rap à fière allure, encore un nouveau missile. Ouais, la merde on la connaît à force de la côtoyer. Des soucis plein la tête, dans l'alcool on va les noyer. Les paramètres ont changé, j'ai un étranger. Puis grave des sangers pour pouvoir bien manger. Les frères ne savent plus quoi faire, se font la guerre. Rateur prière, aux côtés de chat vulgaire. Vulgaire je suis, quand j'accélère est-ce que je me suis. Ça sort la merde, merde. Harry, ok. Débuté avec le poste radio dans la chambre et les lits superposés comme public. Un simple surkiff, une passion sans penser au fric. Et les temps changent, ce sentiment hardcore devient de plus en plus fort. À mes yeux, cette discipline vaut de l'or. Un suré de dingue, j'écris mes textes en cours, collège et lycée. Je passe pour un borgin, gros bêtage, mon bois, les ranges, la grinta. Déterminé, la ronde blessée, même touché, je ne peux pas cesser. La rime, il le faut bien passer. Vaut mieux ça que taper dans la coque, la CC. Avec les boucles dans le check-in, ça va de râler le nouvel nac. Sortie des lyrics dans le métro, tour 19 au Pablo. Nanterre, déter, motivation illimitée. Je rentre un pied dans le game, mais vous préviens que ce n'est surtout pas pour le visiter. Comme un salon, je ne connais pas. Il reste tout de merde, donc on ne met pas. Trop de bis, trop de dix, la devise pèse malgré la crise. Une passion qui ont un amour pur, une motivation extrême pour leur passion. État du NTR. Yo, yeah, ok, guy, Luca, on vit tout seul, crois-moi dans mon monde, y'a pas de garant. Ça compte les sentiments, regardant tourner le CAC 40. Tu mets pas de carottes, gros crois pas bien vendre. J'en ai payé le prix et ma fierté, on pourra pas me la rendre. J'suis tombé trop bas sous mes airs de mélomane. Une rage insensée qui fait ma force quand je l'emmène au mic. Que j'en démonte les phases avec mes mots et formes. Les faces, les portes, je les tape, les passe, mes torses, les traverse le temps, les efface. T'as compris ce que c'est, j'dis pas qu'on vise le ciel. Embrouillé, galère, c'est le terre au minimum pour vivre seul. Alors on se fait des frères, demande à souiller la clique. J'assure mes arrières au cas où la mort prépare à high kick. Mort de vie pesant comme des mecs en Valka. Certains vivent la rue donc ne parle pas si pour toi c'est pas le cas. Je te parle pas de bagarre, c'est bien plus profond que ça. Je te parle de la peine qui pousse mes frères à être tout le temps en fond. Ok, direct, j'en place une pour des héros. Y-S. Pour mes MC qui galèrent, mais qui écrivent des bêtes de texte. Ok, d'abord choqué par banquer laisse parler ma thèse. C'est vrai qu'on veut grimper, mais faudrait qu'on tourne notre veste. Je représenterai, toujours pour les vrais. On n'a pas monté l'ascenseur, mais le même respect. Monte les courses de la daronne si l'ascenseur reste blême. S'il y a un problème, dis à mes proches que je les aime. Pour le moment, je mène mon combat contre moi-même. J'ai fait mes défauts dans un poker où je perds la face. Même j'entre dans l'arène et rien ne m'arrêtera. UBAIN malmène le système et les six. Pour mes frères et aussi les sisters. Dédicace à Gaël et tous mes gars de la familia. Petite dégoterie pour ma belle ville de Troyes. Tous mes gars qui galèrent de la belle chat au quartier bas. La familia gros. JDJ. Dans près de 100 potos va le chécher. Dans les queues bas. C'est dans les bacs. Ça renifle salement, brutalement, l'instinct a littéralement repris du poil de la bête, enquête, on pète leur calmant. Illégalement, sauvage, trop féroce vocalement. Globalement, leurs dogs allemands veulent nos meutes, tout spécialement. Tu verras pas mon art tourner en rond dans une cage. Même captif, tel un cactus, il pique davantage. Pas de chantage, nouez-vous aucun croisement. J'ai le mental fort et vierge de contrat, donc de froissement. Je reste nature, Mike, aiguisé sur le maquis, mec. Coriace, technique, net, pédigré, pur architecte. Dauphin de personne, vient pas dominer le mal dominant. Même le dominé de plomb, moi je ferais béton leur domino. Dans nos marécages, ça contre-attaque franco dans le tas. Chez moi, pas d'entubage, on plaque ceux d'en haut en bas. Pas d'échafaudage opaque comme dans Koh-Lanta. Face à ma rage, c'est pas une matraque mais un Koh-Lanta. Cache les on pour le frère lui. Bina, bina, ok. Bina, bina, ok. Bina, je fais freestyle pour tu m'écoutes là où taille fermé. La bouche de tous les ratailles, le rap une bataille avec plein de bâtards et d'MC qui sont pas de taille. J'envoie des rimes en gros ou en détail, donc vaut mieux que tu détailles. Justement, j'ai pas le temps de chercher des thèmes. Le rap c'est Koh-Lanta, on se tape tous pour un totem. Et j'avance, car trop traîne, craigne ou me freine. Je veux me remplir le beat blindé, mon compte vide, l'euro s'imprègne. On veut tout la monnaie, monnaie, faire néné, toucher des gros nénés. Ça menait, menait sa vie, décrocher une place au ciné. Être un homme baillé, être un homme maillé, jamais baillé ni braillé. En fait, bien graillé, vous voyez, on veut du bien au foyer. Putain, fait pour payer le loyer dans les dettes et vite être noyé. Je me sens seul depuis qu'on m'a coupé le cordon à l'hosto. Gardez que ce je veux tout et tout de suite. Il est qu'au presse de l'eau. Jure, 1-0 poteau, 1 MCS Lyrical, gagne. Tiens, tiens. Ok, yo. Arrivé ici, un peu venu de nulle part. À présent pour faute aider Wack et prendre ma part. Ces bouffons me font rire avec leur flow fauché. Ils dribblent l'industrie malgré leur bien faible crochet. Peu de talent et du buzz. Voilà notre génération des allers-retours et des flops, double pénétration. Ce que veux-tu que je te dise? Des MC givrés constipés comme Mister Freeze. Impossible de ne pas faire la diff. Guéri à prod dans le bulging en productivité, pas d'imbécilité. Toujours le même Renoir, les contours tracés, courant après ses rêves, t'es dans les pots de gel crête et moi dans les waves. Pas de foutage de gueule, la gifle est sévère. Guiléo Mike, homonyme d'un gaz NCRR. Verra-t-on si l'heure est venue de les fumer. Te lance pas dans ce bus si tu ne peux pas assumer 240. 42 bras à hier, Galsen, Ozen. Ok, ça fait. Yo, un coup de pouce, un coup de face, un coup de crayon. Je m'applique à faire du beau quand c'est con, fils de million. J'ai peu d'éducation, Hamdoulay, je suis pas de cela. Et quand c'est con, vise la lune, je reste posé sur mon sofa. Les années passent, ouais, les choses dégradent. Et quand toi t'accélères, et ben moi je rétrograde, ouais. Nos vies sont trop crades, alcool, shit, excès. Et je repère l'époque où le daron mettait affaissé. Dans le fond, je suis stressé par la vie. Parce qu'on obtient ce qu'on veut avec une paire de yébi, une paire de secuis. Peut te rendre ouf à mettre un litre de whisky. Ray, pète sur une autre planète, le monde va en vrille. On est vraiment pas net. Tu veux des soucis, tiens mon frère, je t'en donne en palette. Tu veux des soucis, tiens mon frère, je t'en donne en palette. Vous êtes là, vous êtes là ce soir ou quoi? Je suis venu combler le temps de cerveau laissé par Étienne Moujotte, milieu. Et comme Zaya, il a des formes et aucune jugeote. Il voulait du fond de la forme, j'ai répondu. Alors dans quoi le succès m'a dit qu'il ferait vite avant de montrer sa jambe de bois. Désacralise nos mots, sans faire de transition. Mais si ma plume fait du stop, c'est que je suis en panne d'inspiration. Mauvais bricoleur dans ce rap, leur rime ne valent pas un coup. Je préfère avoir le swing de Tiger plutôt que le swag de Michou. Que celui qui veut ma peau. Elle a demandé à Roger Rabbit de inviter. Je m'applique à ce que leur logique abdique. Y'a pas de marche arrière quand le point, mon retour est franchi. Tous coupables, y'a que les cocaïnes. Nos mains qui sont blanchies. Depuis lundi dans les bacs. Dans les bacs, donc j'ai du son. Radio Macadam, Cuba. Ayant ma jeunesse, à les boules et prête à faire pleuvoir les balles. Depuis le temps qu'on bouge, je te jure que la cocotte s'emballe. De couper les bras longs, monter en galon. Il frappe mes gants galions. De grailler dans le gâteau. Mes jeunes sont affamés, c'est pas 1100 euros par mois qui vont les rassasier. Tu peux gratter leur cahier qui t'a gagné une occasion. On s'en bat les couilles, on part en impro sur Sky. En impro sur Skyrock. En impro sur Skyrock. Même tu sais, on enchaîne. En impro sur Skyrock. Ok, yo. Passe le micro. Ok, elle a mis les foufous, nous on les calme. Ici fais pas un pas de travers si tu veux pas qu'on te cache les cannes. T'entends? Tout le monde veut son bout de soleil ou son coin de paradis. Passez quoi moi si ces blocs pétés, empestés par la bile. À 15 piges, les petits s'organisent malades. Eh braco, je crois qu'on a un peu trop poussé l'escalade. Vagabond en escapade, fugueur, fumeur, juvénile. Les minois avancent, rabattent, stupa au coca vanille. Noyé dans la merde avec un mental de spartiate. Rien à taper, tant l'eau martial devant mes côtes reste impartial. Ambiancé, le liquide ingéré, une tacité circule. Je veux tenter un coup de poker à la Stanley Circus. J'sais pas encore où aller, mais j'vois où c'est la merde, frérot. Ça se passe en Inde, ça suffit pour la mettre. Nique les langues de pute. Ça y est, tu piges, NLP, porte la bannière. J'coule bien faire du bruit. C'est la misère. Arriver en mission pour nettoyer, tout ça c'est l'ambition. Attention, on vit dans un monde où tout le monde est sous tension. Arriver à mes fins, peu importe la manière, j'en ai bien l'intention de toute façon. Guérilla, prends dommage, passe à l'action. Le mic, comment on n'est pas arrivé du jour au lendemain. Qu'est-ce que tu croyais? Ya, j'pars en improvisation. Façon, tu connais l'addition. Ouais, c'est ma ration en direct de Skyrock. T'inquiète pas, négro, ouais, c'est comme du rock. On casse des guitares sur la table. T'inquiète pas, mon flow est d'art. Galem 16 lyrical en direct de Sky. Tu vas reprendre le mic. Ici, c'est qui les mic? En direct de Sky. Tu bats. Ok, Yo, à 22 piges, fais un petit bilan de ma rive. À savoir que j'ai pas fait grand chose, le rap ma seule initiative. J'ai usé ma salive, fumé ma salire. Pour un ma salaire, donc s'il y a une chance, je vais la saisir. On a plus que ça pour accéder au débat. Enfant de la France d'en bas pour s'exprimer, côtoie le peu rap. Raconte, c'est haut, c'est bas, essaye de faire valoir ses droits. Et ne vous méprisez pas, il n'a pas peur de casser ses dents dans le tas. toute façon dans le reste on est mauvais. Dès que ce t'es plein la teuté, on se concentre que sur nos crayons. Mais frais, frais pour frais, de ce futur que nous nous créons. Les gars, dites-leur qu'on relâchera pas la pression. Depuis que je connais le rap, j'y suis resté accroché comme un cracker qui tomberait sur un rocher. Je l'ai pas lâché, continue à cracher de manière fâchée. Ouais, attaché même sous cachet, je raterai jamais de déblatérer. Ok, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ok. La folie, pour enfermer sur moi-même un génie. T'as appelé, me voilà dans l'arène. Donc je suis le roi, je suppose. Non, je suis son amant, avant que j'expose les rails. Envoyez les calmants, je suis hard et lourd. Rocco, raffiné, suis choco. Fonce des peu dans des bocaux. PD, sub dans des bucaux. Félix, tous un peu loco, loco. Ah, j'expose des steaks à la Marco Polo. Marque du vélo, écoute, tu es un peu en afro. Tu sais que je suis pas un rigolo. Je dépite, je lâche des rimes de barge. Et que les rivaux, il faut qu'ils restent sages. Ah, improvisation, pas de relation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, ça vient du distissant. Mon cul bute tout ce qui bouge. Je m'en bats, j'ai un peu la bougeotte. Distisse des gros, mais une grosse carotte. Représente pour Milas. MC, tu sais, t'as pas des Adidas, on est plutôt Nike. Je vais faire tourner le micro, je crois qu'ils sont la dalle. Ok. Ok, Tariq, Tariq, Tariq, Tariq, Tariq, Tariq, Tariq, yo, vas-y, doux, vas-y, yo, change, yo, Edke, envoie une autre bastos. Eh, hey, change d'instru, gros. Ah ouais, poula, poula, poula. Ok, ok, envoie une grosse bastos. Vas-y, vas-y. Ok, mon frère, on va en tuer. Aïe, pas violent. Ok, aïe, aïe, aïe, 3, vous êtes toujours là. Substance intoxicante du shit textuel. Dépendance au texte, intrigante, genre trip sexuel. Un switch cliff, sonore en stick sur un beat strict. Un fixe, des roues rimes se transmet, style une street grip. Lyrical, phéromone, phénomène en vocal. Sérum vocal, total anesthésie en local. Je décale le langage pour créer la subtilité. Mon cerveau s'engage, évite les débilités. Je percute le son, je permute les flots. Il percute de fou, aperçu le fond de mon texte. Le fondement de mon être, manier les mots et manier les lettres. Je kiffe quand la speed guide le stylo. Je connais pas la panne, j'ai des rimes plein le stylo. Rap sur stylo, version misogyne. Quand la muse joue les nymphos sans gêne. Yeah. Aïe aïe aïe. Ok. D'encre de sang, énième présentation, freestyle. Gros, Renoir du Nef 2, néo-sénégal, originaire du Congo. 242, j'ai débarqué dans ce bled. Tout petit sans aucun projet, pas grand chose dans ma tête. À mon insu, je vois toujours des frères et sœurs se shit dessus. Ça m'endurcit le cœur comme Despo, laisse-moi dans mon bunker. Et comme la vie est une chaîne, j'ai décidé de la foutre à quatre, pas devenir son macro. Je veux tout déchirer, mon discours est sincère, pas comme certains. Un bolos qui pense que rap rime avec case et judiciaire. Dans mon domaine, j'ai du savoir-faire, ça vient de Nanterre. 92, Salvador, Andele, Pablo, mon terre-terre. 1, la salle, le Valona, les Pesaro. 1, d'encre de sang. D'encre de sang, UN2EK. Amina, c'est ça, Zouzou. Edke, change-moi ça. Envoie-moi une grosse prod. Ok. Envoie-moi une grosse prod, Edke. Laisse. Yo, je suis un mec comme les autres, un peu zarbi mais bon. Chaque personne regarde les mauvais côtés, mais jamais mes bons. Je fais rarement des bons ou même sortir de mes gonds. Car c'est con, comme un jeune fumeur qui ramasse des mégots. Écoute, on vit une drôle d'époque, ça vient peut-être du système. Manquerait plus que le Front National danse sur du Magic System. Mais c'est pas demain la veille. T'es mal dans les films de cul, truc de ouf, c'est de plus en plus de vieilles. Donc en fait, je ne suis pas si bizarre que ça, les temps sont durs. Donc mamie reste accrochée à ton que ça, la maille, on voit que ça. Dans nos petits yeux brillants, j'ai perdu la tête dans une liasse verte, t'es pas Suzette de Dany. Brillant. Avenir pas très optimiste dans le pays de Marianne. La vie est une loterie où très peu de gens gagnent. On essaie de gagner, mais à notre façon. L'état, la mauvaise, nous va manger grâce à la contrefaçon. On s'en contre fou, on vit du mal, on s'en contre le fou. On est des jeunes fous dans le flou qui vise le flou, et que ça fourre. On savoure chaque instant comme ils sont courts. Pas d'issue de secours en cours, peu importe. Porte la peine qu'on encourt la vie, un coucou. Bilal. Bilal. 10-15. Ok. Ce soir ça kiffe. Ok. À force de... Ok, ça fait, ça Harry. Fait, Harry, Harry, 10, 10, ok, ça fait, yo, yo, yo, Yeah. À force de zoner sur le bitume, ta gratitude fait les bolos par habitude. Range ton bif, ça c'est l'interlude. Sont ratés, j'ai fait mes études. Comme rap, tout ce qu'il leur faut. Rapport qualité, prix, ray, ça les rend accro. Oh, lâche la et bonne pillage. Cesse tes enfantillages. Ta chipote sur les tarots. Vas-y, arrache-toi de mon sillage. T'inquiète, tu es un beau physio. La prochaine, on te nique ta mère. Tu repartiras en galère. Bah ouais, frère, je suis trop déter. Des fois, c'est pas tard pour perdre mon temps. S'il faut, je me déplace pour des gros montants. Ça compte toujours un pif encore. À la fuite, à l'enchère du bon client. Le bon client, c'est rare. Comme un juif qui paye pas. Et les poucs à vos stars. Chante comme à l'opéra. Hagra, tout ce qu'il mérite. Police, on évite. Rien que ça débite. Vas-y, paye vite. Que du liquide. Vite trop wicked. Un bon joint de 8 des contracts. Des grosses sommes, on contracte. Paye pas sur Watt un contrat. Fume un stick et détends-toi. Turbo injection nitro dans le réservoir. Mon archoc, les pare-chocs, un conseil va te faire voir. Des palking sur parking, les faux. Je fais des maquis sur le maquis. Au mic 4-4, ça dégoupille ta bourre, faire ta peinture et accroche bien ta ceinture. Quand t'as raté, m'écoute, je déroute le bout de ses ceintures. Course poursuite, soit rien de mauvais pour la suite. J'taffe mon buzz qu'on se dise pas cash. C'est qui la suit, y'a de la suite dans les idées. Le moteur est loin d'être bridé. J'ai 24 soupapes dans le cerveau, pas près de se rider. Mon carburant, c'est de l'air bouillant. Quand y'en a plus, y'en a encore. Et je pense même qu'en fouillant, j'ai du kérosène dans le corps. Pas de temps mort. Dans le circuit, c'est trip échappement scié. Trip en guise de courroie sur beat en acier. Aspiration, frein à main, tête à queue. Faites la queue, toujours au taquet, prêt à contre-attaquer. J'suis venu casser les couilles, jouer des coudes. Rendre les coups que j'ai pris dans la foule. Donc roule, un bête de joint que je me défoule. Passe-moi un bic et une feuille et l'autorité prend une douille. La potence revient, l'atmosphère est tendue. T'étonnes pas si tu bandes, c'est la gaule du pendu. Vendu, t'es pris en flag, mon son te tue. Et c'est que le début, si je remarque des vies, j'convertis même les têtus. J'suis l'outsider qui vient foutre sa derme. C'est le couvre sa gueule, balance des mots accusateurs. Car trop de cheerleaders veulent devenir cheap leader. Pour faire l'argent à l'odeur, ce n'est que des bitch dealers. Que j'ai plus le même poids à la peser. Je vais vexer toi-même, tu sais. J'ai le flow aiguisé en ligne de mire. Réalisé mon hobby, décrédibilisé tous les MC déguisés. Qui sait, j'finirai peut-être plus côté que les pyramides de Gizeh. C'était la session live. Dans la nocturne avec Unique. La nocturne d'Unique, Podo. Merci à vous tous. Big up à tous trois. Merci, merci à vous tous. Je crois que ça va être compliqué pour finir Unique. On va rappeler juste que l'album est dans les bacs. Cherchez l'album. Il s'appelle D'entrée de sang, l'album d'Unique. J'ai oublié. Et merci d'avoir été là avec nous pendant un peu plus d'une heure dans la nocturne. Les gars, D'entrée de sang. Je te laisse finir, je te laisse prendre le contrôle. Ouais, bah écoute, merci à toi de nous avoir accueillis. En tout cas, on a malheureusement pas le temps de dédicacer tout le monde parce que sinon on va y passer la nuit, je pense. Mais tranquille, tranquille. Ça, la famille sur Skype, ça se dédie à tous ceux qui ont fait le classement. Merci à vous tous. Merci à toi, Fred. Merci à toi, Unique, et tes invités. Et merci à vous tous. La nocturne pendant une bonne heure encore, ça continue. Planète rap, 100% explicit lyrics. C'est la nocturne 100% rap français qui continue jusqu'à 2h du mat. Avec celui qui débarquera prochainement dans Planète Rap la semaine du 20 octobre. Monsieur Gradure à écouter. Sur du Gradure, fais des pompes, des tractions. Alarmé, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque, un peu dans le casque. Ouais, je répète, d'un peu dans le casque, un peu dans le casque. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon, mauvais garçon. Sur du Grady, on fait des pompes, des tractions, pompes, des tractions. Un petit car, j'avais mon bloc et du shit dans le casque. Ouais, je répète, du shit dans le casque, du shit dans le casque. Tous les chéguettes font du mal, ouais, fais attention, fais attention. On s'en bat les couilles du rap game, négro. Ces rappeurs nous critiquent, wesh, c'est qui crée. On s'y fera jamais comme pour entrer en Dura. Écoutez pas les mecs de thèse dans les blocs des putains de guerres. Putain, mon son ainsi tous les négros braqués. Pas les coutons, j'monte en scène rebeu, c'est la rue qui me baquait. Fais attention autour de moi, y'a plein de gens. Radio, c'est le plus gentil, mais derrière moi, les gros sont méchants, ouais. Je les respecte tous quand je les écoutais sur YouTube. Maintenant c'est Gradure qui frappe les négros titules. Je viens de faire en 7 mois ce qu'ils ont jamais fait en 15 ans. Bah ouais qu'ils sont jaloux. Bah tu crois que je plaisante. Cool checks m'a dit voilà Gradure fait leur la misère. Rafale tous ces pétés dans mon régime en zère. Le game je l'ai mis dans le cul. Il arrête pas de saigner. Ces bâtards veulent ma bite. Maintenant je vais

C'est la fin de cette nocturne avec le son de demi-portion à l'instant, demi-parrain. Loupez pas dès lundi 20h-21h, Planète Rap avec Soprano, son album à découvrir en exclu évidemment, en public. Grosse émission tous les soirs de la semaine entre 20 et 21 à suivre aussi sur skyrock.fm. C'est donc fini pour la nocturne, prochaine nocturne dans une semaine. Passez une bonne nuit, rap R&B non-stop, Fabulo au contrôle sur Skyrock. Et encore lundi pour Planète Rap ou vendredi prochain pour une prochaine nocturne. Ciao. Ça va les jeunes? Il est 2h. Skyrock. Rap R&B non-stop.